lorsque j'avais commencé, j'étais qu'un niveau 1 et en plus j'étais un paladin. Mes pires ennemis sont des orques, mais aussi les morts vivants, les taurennes et les elfes de sang. J'ai commencé en chassant un peu de gibier, j'ai accompli les missions qui font bien chier. Quel monde merveilleux, quel monde super plate, ce joli monde là c'est le monde de Warcraft. La vie d'un elfe de nuit, c'est pas la joie, c'est dur, j'apprécie pas trop les nains, ils sont moches. Ils puent, ils sont pas drôles, ils ont des puces et des cloches, mais ils sont moins cons que les gnomes, ça c'est sûr. J'ai même vu un gnome qui dansait sur les tables. Après maintes batailles, j'ai pu me payer un cheval. Quel monde merveilleux, quel monde super plat. Ce joli monde-là, c'est le monde de Warcraft. Je suis chaman pour une tribu de vaches en trop, mais depuis je réalise que je suis en trop. Je fais trembler le sol à chacun de mes pas. On vit dans des tipis, on mange du nougat. Mais je l'avoue, même si on est un peuple évolué, on a gardé notre habitude d'aller brouter. Quel monde merveilleux, quel monde super plat. Ce joli monde là, c'est le monde de Warcraft. La vie d'un gnome c'est drôle, mais ça aurait pu être pire. J'aurais pu être cadeux, ça c'est horrible. Le matin j'emmène ma femme et mon ours à l'usine. Ma femme s'appelle Bobby l'ours, mais l'usine. Et souvent quand on est sept et qu'on a bu un peu trop, les soirs on gueule, hey ho, on rentre du boulot. Quel monde merveilleux, quel monde super plat. Ce joli monde là c'est le monde de Warcraft. Je suis un guerrier orc, j'ai des dents qui dépassent. Y'a pas de dentiste en Grimmar. Ma femme est une draenei et tous les samedis soirs on fait des instances jusqu'à demain soir. Moi je suis mort vivant, je suis mort depuis des lunes. Quand je me fais tuer, je remeurs, c'est vraiment nul. Quel monde merveilleux, quel monde super plate. Ce joli monde-là, c'est le monde de Warcraft.